pris sur le vif. Écoutez. J'avais téléphoné pour demander un dépanneur. Ça fait 3 jours et personne n'est encore venu. C'est un peu exagéré. Madame, je vous prie de m'excuser. J'avais oublié de noter votre adresse. J'attendais votre coup de téléphone. Répétez. J'avais téléphoné pour demander un dépanneur. Ça fait 3 jours et personne n'est encore venu. C'est un peu exagéré. Madame, je vous prie de m'excuser. J'avais oublié de noter votre adresse. J'attendais votre coup de téléphone. Écoutez. Mais enfin, fais attention. Tu viens de bousculer cette dame. Excuse-toi. Qu'est-ce qu'on dit ? Je n'ai pas fait exprès. Il ne manquerait plus que ça. Allez, dis pardon, madame. Pardon, madame. Répétez. Mais enfin, fais attention. Tu viens de bousculer cette dame. Excuse-toi. Qu'est-ce qu'on dit ? Je n'ai pas fait exprès. Il ne manquerait plus que ça. Allez, dis pardon, madame. Pardon, madame. Écoutez. Moi qui étais si contente de partir en week-end, je m'étais acheté des tas de trucs. Je te jure, je suis désolée moi aussi, mais il ne faut pas m'en vouloir. Ce n'est pas de ma faute, j'ai une fièvre de cheval. Répétez. Moi qui étais si contente de partir en week-end. Je m'étais acheté des tas de trucs. Je te jure, je suis désolée moi aussi, mais il ne faut pas m'en vouloir. Ce n'est pas de ma faute, j'ai une fièvre de cheval.